Bonjour chers auditeurs, vous êtes dans l'émission Conlambi sur radio Fréquence Paris Pluriel 106.3 tous les dimanches de 16h à 18h. Nous recevons aujourd'hui Mimi Nelzi, auteur, compositeur et interprète guadeloupéenne, à l'occasion de son passage à Paris pour la sortie de son premier album Âme Nouvelle. Bonjour Mimi. Bonjour, bonjour. Comment vas-tu ? Ça va tranquille, merci. Aujourd'hui, je dirais que tu es arrivé avec le soleil puisque bon... Oui. Quelques... Ça fait une semaine que je suis là quand même, il n'y a qu'aujourd'hui qui fait beau. Mais bon, on va dire que pour l'émission, voilà, tu nous as ramené le soleil, très bien, très bien. Donc on va passer une petite heure ensemble pour que tu puisses te présenter dans un premier temps. Et puis après, on parlera un peu de ton travail, ton premier bébé, on va dire, Âme Nouvelle. Exactement. Donc voilà, est-ce que tu peux te présenter ? Alors, comme tu l'as dit, Mimi Nelzi, c'est mon nom d'artiste. Donc, je suis originaire de la Guadeloupe et de la Martinique, mais je vis actuellement sur la Guadeloupe, donc toute l'année. Donc, je chante depuis pas très très longtemps, depuis une dizaine d'années à peu près. Et j'ai commencé un album il y a à peu près 4-5 ans, donc, et que j'ai réussi à sortir donc en autoproduction. Donc, il est sorti en décembre dernier aux Antilles uniquement. Déjà pour la première étape. Et donc cet album s'appelle Âme Nouvelle. Et la seconde étape, c'est la sortie, on va dire, nationale, enfin, surtout sur l'Hexagone, donc qui sera en vente très prochainement dans les magasins habituels, quoi, ceux qu'on connaît tous. Et donc voilà, donc, je suis très contente d'être là pour le présenter. Et voilà, donc c'est de la soul que je fais. C'est pas très typique pour une antillaise, mais bon, c'est ce que j'ai voulu faire et j'essaie de le défendre au mieux, quoi. Voilà. D'accord. Et qu'est-ce qui t'a poussé à faire de la musique ? C'est tout bête, hein. C'est parce que j'aime la musique, hein, premièrement. J'aime beaucoup ça. Et c'est vrai que quand j'étais ado et surtout au lycée, ça prenait tellement une part importante de ma vie. Enfin, j'écoutais de la musique vraiment tout le temps, tout le temps. Je me suis dit, bon, allez, c'est vrai que la vie, elle est plutôt monotone. Donc, comment faire pour la rendre un peu plus intéressante ? Et c'est comme ça, bêtement, que j'ai commencé à chanter avec les copines au lycée. Et quand je suis partie faire mes études à Toulouse, j'ai continué, j'ai rencontré des gens qui chantaient et tout ça, donc ça m'a plu. Donc c'est une passion déjà, c'est une activité comme une autre. Hein. Il y en a qui font du tennis, il y en a qui. Bon, moi c'était ça. Voilà. D'accord. Et tu viens de me dire que tu écoutais beaucoup de musique. Et quel style de musique en fait tu écoutais ? Ben moi, toute gamine, j'ai beaucoup écouté de la soul et du rap. J'en écoutais très jeune quand je vivais un peu en métropole quand j'étais plus jeune. Et donc ça a commencé comme ça, parce que j'avais un grand frère, et les grands frères, c'est toujours ceux qui poussent les petites sœurs à aimer la musique. Donc ça s'est passé de cette façon, et puis en grandissant, ben, ça ne m'a pas lâchée. Hein. J'étais vraiment passionnée de rap, de soul, de tout ce qui se rattachait à ça. Donc c'était la soul des années 70, la musique des parents, le jazz, voilà. C'était un apprentissage, hein. Ça s'est fait sur des années, mais bon, voilà. D'accord. Et justement, au niveau de ton parcours, tu nous parlais de Toulouse, la partie, en fait, ton parcours où tu as commencé, en fait, concrètement à t'y mettre, c'est, comment dirais-je, ça t'a servi de tremplin, tu as pris des cours, enfin, comment tu t'es un petit peu formé, justement, au chant Étant sur Toulouse, le chant, je l'ai fait un petit peu sur le tas. Enfin, c'est vrai que j'ai pris quelques cours, je suis allée dans les chorales, mais ça n'avait rien à voir, hein. C'était pas ni du gospel, ni des... Enfin, j'avais... dans des chorales plus pour le bien-être que pour apprendre des techniques de chant. Donc c'était des chants grégoriens, c'était des trucs vraiment pour adultes avec des gens différents, c'était des trucs assez particuliers. Et puis on va dire sur le terrain même, c'était avec la rencontre avec des amis de tous bords. Il y avait des Africains, il y avait vraiment de tout. Et on a formé, enfin moi j'ai intégré un collectif qui existait déjà qui s'appelait Urban Soul. Et donc on chantait tous ensemble, on chantait n'importe quand chez les amis et tout ça, et on a commencé à faire des scènes aussi à ce moment-là. Donc moi, quand j'ai intégré, au départ je devais être danseuse, finalement je suis passée choriste, et après je suis passée lead. Il y avait beaucoup de lead et j'étais lead également. D'accord, voilà. Oui, donc vraiment artiste. Oui, moi danseuse, j'aime tout ce qui touche la musique. Chanteuse. Voilà, j'aime tout ce qui touche la musique. Je faisais de la danse avant, maintenant je chante. La musique, elle est toujours là, quoi. D'accord. Voilà, c'est important. Très bien, très bien. Et je sais que tu es également compositrice. Alors dans le milieu de hip-hop soul, on dit productrice, mais pour nos auditeurs, je dirais compositrice en fait. Hein, ouais. Tu réalises donc ce qu'on appelle instrumentaux. Ouais. Et alors je sais que tu as notamment travaillé pour différents types d'artistes, antillais, je dirais français, américain. Ouais. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Alors déjà, qu'est-ce qui t'a poussé en fait à composer ? Alors c'est assez particulier ça aussi. Ça s'est vraiment fait. Pour aller dans le vif du sujet, en fait, quand j'ai commencé à écrire mes premières chansons et que je connaissais personne dans le milieu, je me suis dit, bon, ben, le mieux, c'est d'essayer de faire soi-même des maquettes, des démos, pour pouvoir après les montrer à des musiciens, et comme ça, ils pourront le faire un peu mieux, quoi, avec déjà une idée de départ. Et puis, bon, j'avais un petit frère qui était un peu comme moi, un peu touche-à-tout, donc lui et moi, on a commencé à vouloir tenter le fameux beatmaking avec les logiciels et tout ça. Donc, au départ, c'était c'était de la rigolade, quoi. Mmh, c'était surtout pour tuer le temps. Et puis bon, moi, ça m'a plu de plus en plus, et c'est surtout l'occasion pour moi, c'était l'occasion pour moi de faire mes fameuses maquettes. D'accord. Donc c'était vraiment le plus important. Et puis de fil en aiguille, ben, finalement, j'ai passé énormément de temps dessus, vraiment à peaufiner, à vouloir faire un son, on va dire, le plus... je sais pas moi... quelque chose d'écoutable, quoi. Enfin, quelque chose qui puisse être agréable à l'oreille. Et puis, et bizarrement, quand j'ai voulu, toujours dans l'esprit de rigolade, de mettre des petits morceaux, des petites boucles sur Internet pour faire écouter à des gens, ben, ça a plu, bizarrement. Et ça a plu surtout aux rappeurs, parce que c'était toujours avec des rythmes très saccadés, comme D'accord. les beats de hip-hop et tout ça. C'était vraiment très inspiré de cette façon-là. Et donc, il y a un gars comme ça qui s'appelle Enz, et qui est quand même assez bien installé sur Paris, qui m'a dit, bon, ben, le beat que tu as mis, moi, je le veux pour un projet. Et ça a commencé comme ça. Donc, j'ai pris ça de plus en plus au sérieux. Et de plus en plus, les gens sur MySpace, pour citer le site, ont commencé à me faire appel à moi un peu bêtement. Et moi, je me suis prise au jeu, quoi. Donc, ça s'est fait comme ça. Puis maintenant, bon, ben, j'ai surtout fait mon album de cette façon-là. Et puis, des fois, je propose à des amis, donc effectivement aux Antilles, comme McFla, comme Café, qui sont des rappeurs qui font leur boulot là-bas, sur Paris. Et puis, ben, après, grâce à MySpace, des Américains aussi. Bon, ça donne des petits projets sympas comme ça, quoi. Pour les connaisseurs, on peut citer notamment Large Professeur. Alors, Large Professeur, bon, faut pas confondre. Hein, j'ai pas la prétention d'avoir proposé un beat à Large Professeur. C'est déjà différent. J'étais connue comme chanteuse et un bon ami à moi de Paris qui s'appelle Dela m'a proposé de faire un refrain sur un titre, donc sur un projet qui s'appelle Changes of Atmosphere, qui est sorti en 2008 au Japon et en 2009 aux États-Unis et à Paris. Et sur le titre, donc, il y avait Large Professeur qui rappait dessus. Donc moi, j'ai posé ma voix pour le refrain. C'était surtout pour faire un refrain. Et il se trouve que l'artiste qui était là, c'est la légende, quoi. Donc, D'accord, oui. Pour nos auditeurs, hein, je rappelle que Large Professeur, effectivement, c'est un rappeur, on va dire compositeur new-yorkais, mm-hmm. qui, comme vient de dire Mimi, a fait la légende dans les années 90. Qu'on écoutait déjà quand on avait 15-16 ans, quoi. Exactement. Voilà. Donc c'est pour situer un petit peu le, mm-hmm. le niveau des collaborations que tu as pu faire. Mm-hmm. Et alors, tu es originaire de la Guadeloupe. Mm-hmm. Antillaise donc, et en quoi en fait ça influence, nourrit ton travail de création, que ce soit au niveau du chant ou peut-être au niveau du travail de composition, d'écriture. Alors on va dire que le fait d'être en Guadeloupe et évidemment d'évoluer dans un monde de zouk, de dancehall, de musique caribéenne et tout ça, c'est pas quelque chose qui se calcule. Après, les influences caribéennes viennent un peu toutes seules. Ça peut être dans le phrasé, je sais pas, sur des vocalises qui peuvent rappeler telle ou telle mélodie créole, des choses comme ça. Moi, quand j'ai fait mes premiers beats, j'ai toujours voulu intégrer des sons de percussion. Alors, je ne veux pas dire que j'ai voulu mettre du ka, parce que bon, le ka, c'est l'instrument traditionnel des Antilles, mais les percussions étaient présentes. Et après, le côté créole, ça s'est surtout fait par la suite avec des rencontres, avec les artistes de là-bas, enfin de Guadeloupe et de Martinique. Puis à force, quand on travaille et qu'on travaille avec ces personnes-là, le mélange se fait par la suite aussi. Donc c'est pas vraiment des choses intentionnelles, ça se fait parce que c'est là et c'est aussi le but des influences, quoi. C'est que ça puisse venir sans que ce soit intentionnel. Oui. Ça s'est fait de façon naturelle. Oui, au contact, c'était pas du tout fait pour. Je peux pas dire que j'ai voulu faire une soul créole, une soul caribéenne. Pour donner un autre exemple, mon album devait être essentiellement français avec des titres français. Et c'est vraiment parce qu'on m'a demandé quand est-ce que tu chantes en créole, et qu'un ami qui s'appelle Timalo m'a écrit un texte. Ça s'est fait comme ça. C'était pas du tout calculé. Ça s'est fait comme ça et je suis très contente d'ailleurs, quoi, parce que ça apporte une autre touche qui est très intéressante. Voilà. Oui, ça s'est fait au feeling. Exactement. Ouais. D'accord. Alors, je dirais que pour moi, tu fais partie de cette génération de jeunes artistes antillais, mm-hmm. que je dirais talentueux, et qui ont justement, un peu comme tu le disais ou tu le dis depuis le début de l'entretien, qui mm-hmm. ont une démarche artistique un petit peu différente en fait des courants musicaux qu'on mm-hmm. a en vogue, je dirais, chez nous aux Antilles. Hein. Tu as cité le zouk tout à l'heure, peut-être dancehall, mm-hmm, compa, mm-hmm. etc. Et comment est-ce que tu te sens un petit peu en décalage ou en opposition par rapport à, je dirais, une scène qui est commercialement plus représentée, plus présente, j'ai envie de dire, dans le paysage musical caribéen, enfin antillais. Au départ, il y a un an, j'aurais dit oui, carrément. J'avais l'impression d'être en marge parce que je ne connaissais pas tous les artistes qui étaient déjà là et qui faisaient des projets presque en même temps que moi. Maintenant, je pense qu'on peut parler. Alors, il y en a qui parlent de nouvelles scènes. Il faut toujours qu'il y ait du renouvellement. Hein. De toute façon, il y a toujours eu des vagues d'artistes qui arrivent comme ça et on a l'impression de renouveau. Il se trouve qu'actuellement, depuis deux, trois ans, il y a ce souffle-là qui est venu avec des artistes très connus comme Valérie Lourie, des gens qui ont cartonné comme ça d'un coup, comme Eric. Puis il y en a d'autres qui continuent à faire leur travail et qui luttent pour se faire connaître. Je vais citer des gens comme Inès, on va parler de Fripon qui s'est produit dernièrement également sur scène. Il y a énormément d'artistes antillais. On fait tous quelque chose de propre. On a chacun ses influences, chacun, on part tous sur des trucs très différents. Et je trouve que c'est vraiment bien parce que ça diversifie vraiment le paysage créole. C'est vrai que le zouk et la dancehall, c'est ce c'est ce qui caractérise la musique antillaise. Voilà, n'importe qui va d'abord parler de ça. Mais je pense qu'en 2010, c'est très intéressant d'avoir tous ces artistes qui viennent un peu de partout et qui apportent chacun une sensibilité différente. Enfin, donc oui, moi j'ai l'impression qu'il y a un réel courant nouveau. Hein. Bon, c'est dramatique de parler de dire le mot nouveau parce que ça voudrait dire que ça traînait pendant un moment. Mais en tout cas, il y a vraiment beaucoup de choses qui avancent et c'est super pour tout le monde. Autant pour les artistes parce qu'il y a une réelle émulation. On a tous l'impression de se sentir porté par les uns et les autres. Enfin, c'est vraiment très intéressant. Et puis l'auditeur, il a maintenant une gamme d'artistes. Il peut vraiment faire un choix. Il peut aller dans tous les sens. Ça, c'est super pour l'auditeur. Et justement, vous êtes amené à travailler un petit peu tous ensemble. Vous tous ces artistes, comme tu dis, de cette scène-là qui arrive, qui est là. Ça va être difficile. On est tellement nombreux qu'on ne pourra pas tous travailler avec tout le monde. Moi, je pense qu'actuellement, tout le monde se découvre, tout le monde, chaque artiste essaie de se faire connaître de plus en plus. Donc là, je pense que chacun a sa direction, hein. Chacun est concentré sur son travail. Il faut d'abord commencer par ça. Et puis, les rencontres se font aussi sur des plateaux, pourquoi pas sur des projets et tout. Ça se fera, ça commence à se faire et ça se fera petit à petit. Voilà, je pense que c'est important aussi d'avoir des réelles rencontres entre artistes, ça fait avancer les choses. C'est pas une obligation non plus, donc ça sera en fonction de chacun. Moi, il y a plein de gens que j'aime beaucoup en ce moment, j'achète des albums, ça me fait vraiment plaisir. Bon, ça veut pas dire que tout de suite j'ai envie de bosser avec eux, je respecte le travail de chacun. Après, bon, c'est encore une question de feeling. Moi, je suis très, très attachée à ça. S'il y a des opportunités, ben, évidemment, il faut se lancer. Bon, après, il ne faut pas non plus aller à la charge tout le temps. Oui, tu veux dire forcer. Voilà, il ne faut pas forcer le destin. Il faut laisser les choses se faire naturellement puisque le travail est encore plus intéressant comme ça. Quoi. Voilà. Alors Mimi, tu vas nous interpréter une partie d'un de tes morceaux, issu de ton album Âme Nouvelle. Voilà. Il s'agit de quel morceau ? Il s'agit du titre Jaloux, qui est l'un des premiers à avoir été écrit pour le projet. Et voilà, c'est un titre qui me tient vraiment à cœur, parce qu'il transmet quand même l'énergie de l'album. Donc voilà, j'ai le titre Jaloux. Oh, oh, oh, yeah, yeah, yeah, la, la, la, la, la. Mimi Nelzi, la la la la la, ouais ouais. Mes cheveux sur le visage, tu les balayes de ta main. Toi et moi sur cette plage, c'est fou ce que l'on se sent bien. Comme deux gamins, notre glace, parfum vanille coule sur nos doigts. Mon cœur s'emballe quand tu m'embrasses, comme si c'était la première fois. Les anges sont au rendez-vous, ils volent parmi les oiseaux. Je les entends, ils parlent de nous. Je sais même qu'ils nous trouvent beaux. Nos secrets n'y changeront rien. Nos sourires nous trahissent déjà. Si les gens savaient à quel point je suis bien avec toi, ils seraient jaloux. Ils seraient jaloux, jaloux, jaloux, jaloux, jaloux. Ouais, ouais. Ils seraient jaloux, jaloux, jaloux, jaloux, jaloux. Le titre Jaloux, voilà. Tiré de l'album de Mimi Nelzi, Âme Nouvelle. Donc, est-ce que tu peux nous parler un peu du terme de ce morceau ? Âme Nouvelle, c'est bizarrement une question qu'on me pose souvent. Enfin, le morceau, en fait, le avant. Titre Jaloux. Le titre Jaloux, plus particulièrement. Le titre Jaloux a été écrit il y a, si je ne dis pas de bêtises, en 2005. Donc, ça fait déjà un petit bail. Il a été enregistré donc parmi les, enfin c'était la première des maquettes de l'album. Donc c'est un titre que je voulais frais, qui parle d'oiseaux qui chantent et d'amoureux quoi, parce que bon en plus il a été écrit à une période bizarrement où j'étais célibataire. Donc pour ne pas parler de choses larmoyantes, je me suis dit on va aller vraiment dans l'autre sens et parler de choses très colorées et tout ça. Donc c'est une collaboration qui a été faite avec un ami que j'ai rencontré sur MySpace qui s'appelle Old J, qui faisait à l'époque partie d'un collectif qui s'appelait Mélomaniacs. Les Mélomaniacs, pardon. Depuis, Old J est un DJ que l'on voit un peu dans les plus grosses soirées hip-hop de Paris. Donc voilà, c'est un album que j'aime énormément. Bon, depuis, c'est un peu comme une prophétie parce que ce que je vis maintenant, c'est ce qui est dit dans la chanson. Donc, c'est une chanson qui m'a porté beaucoup, qui m'a porté chance. Donc, voilà. D'accord. Voilà, Jaloux est un titre que j'aime beaucoup, particulièrement. Ok. Alors, tout à l'heure, on parlait de cette nouvelle scène, en fait. Hein, on va dire nouvelle entre guillemets, puisque je sais que pour la plupart, vous travaillez depuis de nombreuses années. Hein, tu nous l'as dit toi-même en ce qui concerne ton propre parcours. Mm-hmm. Et en fait, tout ça pour dire qu'en fait, là, ben, au cours de ton séjour, on va dire parisien, mm-hmm. Tu seras en concert ou en showcase, je ne sais pas. Alors, c'est un showcase donc dans le cadre d'une soirée qui s'appelle Beauty Soul Créole, mm-hmm. qui est organisée par les organisateurs de Make It Clap. Donc, c'est en fait un rendez-vous mensuel qui a lieu tous les deuxièmes dimanches du mois. Hein. Ça a commencé depuis début 2010. Et donc, à l'occasion de cette soirée qui aura donc lieu le 11 avril prochain, donc je serai à la Seine-Bastille pour rencontrer les gens qui me connaissent déjà et les gens qui ne connaissent pas forcément l'album. Et donc voilà, je serai accompagnée d'un ami bassiste qui s'appelle So James et Fabrice Serre donc, au clavier. Et donc, on fera une petite présentation voilà, de l'album. On fera quelques titres donc, à l'occasion de cette soirée. Il faut savoir aussi qu'il y aura une autre artiste de Paris originaire des Antilles, qui s'appelle Laurie Jam, qui sera présente aussi. Donc c'est un gros rendez-vous, voilà. Donc j'ai été vraiment contente de faire partie de cette soirée, donc qui aura lieu dimanche. Et j'attends vraiment un public nombreux et curieux de venir entendre ce que je fais. Et voilà, je suis très très très contente d'être là en fait. Donc vous savez où aller dimanche, dimanche soir. Donc c'est métro Bastille et c'est à partir de 19h30, ça c'est très important. D'accord. Alors partons à la découverte. À la Seine Bastille. À la Seine Bastille. Voilà. Partons à la découverte maintenant de Dame Nouvelle, mm-hmm. de ton disque, hein, ton album. Bah, question, je dirais, un petit peu simple au début. Pourquoi le titre Âme Nouvelle ? Alors Âme Nouvelle. Ça m'est venu un peu bêtement. Âme nouvelle, quand on traduit littéralement en anglais, ça donne new soul. Et voilà, il y a beaucoup de gens qui trouvent un petit air de spiritualité dans ça. C'était pas vraiment recherché, mais c'est pas plus mal non plus. Mais c'était tout simplement pour faire référence à ce courant des années 90. Donc les Erykah Badu, les Maxwell et les compagnies. Enfin, j'ai voulu créer un album qui ressemblait vraiment à ce qu'on ressentait quand on écoutait ce type de musique avant. Et donc c'est venu tout seul, Âme Nouvelle. Et puis il faut savoir aussi que c'était aussi un genre de nouveau départ pour moi personnellement. Donc ça s'y prêtait vraiment fort, très très bien en fait. Donc Âme Nouvelle, la réflexion a duré 10 secondes et c'est resté comme ça. Voilà. Bon. Comment trouver le titre d'un album en 10 secondes ? Âme Nouvelle. Et dans cet album, donc Âme Nouvelle, quel thème tu abordes ? Alors, je parle évidemment d'amour, je parle de nouveau départ, parce que j'ai un titre aussi qui s'appelle Âme Nouvelle. Je parle d'épanouissement, voilà, la vie, on dit que la vie est belle, mais la vie est très moche parfois. Donc j'ai voulu quand même parler de choses, on va dire, en majorité positives. Je parle aussi, par contre, des mauvais côtés de la vie. Je parle de stress, je parle de violence conjugale, qui est l'un des thèmes les plus forts que j'ai voulu employer, enfin, que j'ai voulu utiliser dans cet album. Donc voilà, en gros, c'est un album sans prise de tête, qui s'écoute très très bien. Enfin, les gens me disent en général qu'ils l'écoutent bien avant d'aller au boulot ou en sortant du travail. Donc je le voulais assez... vraiment un tout public, ouvert à tous. Je voulais pas aller ni dans la provocation, ni je voulais pas embêter qui que ce soit avec des propos qui pouvaient être un peu trop choc. Et voilà, c'est vraiment un petit album sans prétention, mais j'espère qu'il va durer en tout cas, qu'il pourra s'écouter aussi bien dans 5 ans, dans 10 ans, intemporel quoi. Donc, ce qu'on appelle un classique en fait. Oui, allez. Non, classique, oui, dans l'esprit même du classique, c'est quelque chose qu'on puisse écouter tout au long d'une vie. Et oui, si vraiment je peux aller dans ce sens-là, ce serait super, vraiment. D'accord. Et alors, tu as déjà un petit peu abordé la question tout à l'heure, mais comment tu pourrais définir le style, enfin la couleur musicale de ton album ? Ça, c'est compliqué. Je laisse tout le monde trouver sa réponse. Hein. Je pense qu'en fonction de ce que chacun aime, ça va dans toutes les directions. Dire que c'est de la soul, ça ferait peut-être trop prétentieux. Dire que c'est de la soul caribéenne, bien qu'il y ait des titres en créole et des sonorités qui rappellent un peu la Caraïbe, c'est pas 100% caribéen, non ? Après, j'ai des titres en français... Il y a quand même des fortes influences hip-hop, donc je pense que tout le monde peut s'y retrouver. Moi, je dis de manière générique que je fais de la soul. Après, il y en a qui ne sont pas d'accord. Bon, il faut trouver un nom. Oui, c'est-à-dire qu'on essaie toujours un petit peu de coller des étiquettes. Il faut vouloir coller des étiquettes. Bon, moi, j'ose espérer qu'il sera dans les rayons soul, mais ce n'est peut-être pas dit à Paris. Il sera peut-être également... Il faudra peut-être aussi le trouver en rayon zouk. Donc voilà, il faut penser à tout ça. Oui, c'est important de le préciser pour les auditeurs. Rayon zouk, musique du monde, c'est fort possible qu'il soit aussi de ce côté-là. Oui, donc demandez Mimi Nelzi lorsque vous irez chez votre disquaire. Mais justement, tu parles des moyens, je dirais, qui permettent d'obtenir ton album. Mm-hmm. Il n'y a pas que le disque, je dirais, physique. Je crois qu'il y a aussi Internet qui est un moyen que tu utilises pour pouvoir promouvoir ta musique. Alors évidemment, moi j'ai commencé par le support physique, puisque mine de rien, on en a encore besoin à l'heure actuelle. Mais bon, je l'ai aussi mis en téléchargement légal, donc il est sur toutes les plateformes de téléchargement habituelles. Je ne vais pas les citer, celles qu'on connaît en général. Mmh. Donc ça permet évidemment, dans un premier temps, ça a permis aux gens de l'Hexagone de pouvoir se procurer l'album. Bon, maintenant il sera dans les bacs, donc ça fera deux possibilités. Et puis pour tous ceux qui ne vivent pas forcément ça peut être des gens de Belgique, des gens du Canada, donc voilà. Donc il est maintenant trouvable facilement sur Internet. Donc partout dans le monde. Oui, c'est ça l'intérêt. Alors, avec qui as-tu collaboré pour la réalisation de Dame Nouvelle ? Alors, pour la réalisation propre, on va dire que j'ai tout fait toute seule. J'ai vraiment voulu gérer, on va dire, de A à Z toute l'élaboration de l'album. Ça, c'est pour ce qui est de la réalisation artistique, de la direction artistique. Après, bon, pour ce qui est des musiques, j'ai fait la plupart. Et puis, arrivé un moment où je trouvais que ça tourne en rond, j'ai demandé un coup de main. Donc, j'ai parlé de Old Jay, qui a fait le titre Jaloux avec moi. Il y a également des amis que j'ai rencontrés encore sur MySpace, décidément. C'est le collectif, alors à l'époque ils s'appelaient Drum Brothers, ils ont changé de nom, on les connaît sous le nom de Soul Square. Donc c'est des gars originaires de Nantes qui font de la musique un peu hip-hop jazzy, donc j'aimais bien leur ambiance, donc ils ont fait le titre Âme Nouvelle avec moi. J'ai également mon ami Fony, DJ Fony, qui est issu du Caribbean Crew sur les Antilles et qui est établi sur Paris depuis quelques années. Fony, il faut savoir qu'il a bossé avec des artistes comme Inès, des artistes comme Eric. Il a vraiment un son propre à son collectif qu'ils appellent eux la Caco Music. Qui est un genre de musique hybride, très synthétique, avec des références aux Antilles. Donc ça peut être des samples de musique créole ou musique haïtienne, voilà. Et aussi l'apport de tout ce qui fait penser à la tradition, donc l'instrument ka qui a été samplé. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Donc je voulais que lui, enfin d'une partie générale, que le Caricura Crew fasse partie de l'album. Donc Fony, il est là pour le représenter. Voilà, pour ce qui est des textes, il y a moi d'abord, et puis le slammer Timalo de la Guadeloupe, et un ami slammer et rappeur de Paris qui s'appelle Juliano. C'est un album très métissé en fait, c'est pas 100% créole, il y a vraiment des origines diverses. C'était important pour moi, pour faire quelque chose de vraiment d'accessible à tous. Donc voilà. Je cite aussi comme membre du Caroquera Crew éminent, Exos aussi. Exos, évidemment, que je n'ai pas cité, mais qui a été là, alors plus pour la partie technique. Donc lui, il a été là vraiment pour tout l'enregistrement vocal, toutes les prises de son. Il a été là pour les conseils, parce que lui il avait la casquette du professionnel qui était surtout là pour m'assister, pour me donner des conseils sur tout le long. Il a été, j'ai oublié de le dire, mais il a été vraiment d'une aide capitale quoi, sur tout l'album. Lui-même, il sait qu'il a été très important. J'espère qu'on aura une autre façon de travailler pour la prochaine fois, c'est-à-dire des sons à lui, parce que j'aime beaucoup son travail aussi en tant que beatmaker ou même en tant que rappeur. Donc voilà, enfin, le Caricara Crew, c'était vraiment des gars qui étaient là, qui ont tout vu du projet de A à Z. Donc ils étaient un peu dans l'ombre, mais ils étaient vraiment très très présents. Oui. Voilà. Et c'est un album que tu as réalisé sur combien de temps en fait ? En combien de temps ? Alors, les premiers textes dataient, on va dire, de 2004-2005, donc en termes d'écriture, en termes de beatmaking, donc des premières maquettes. L'enregistrement a été fini en 2008 et il s'est passé un laps de temps, près d'un an, pour le mix, le mastering et la fabrication, on va dire entre 4 et 5 ans. D'accord, oui, donc c'est le fruit d'une longue maturation. Oui, bon, après, toutes les idées étaient déjà arrêtées très tôt. Hein. Les textes étaient écrits très, très tôt. Bon, après, c'est l'élaboration. Il faut savoir que c'est un premier album avec mes fonds propres. Donc, ça a dû prendre du temps aussi pour mettre les sous de côté. Moi, qui ne connaissais pas du tout les ficelles du métier, j'ai dû apprendre sur le terrain, vraiment me documenter, à savoir comment on fait. Quels sont les moyens pour s'en sortir un peu mieux, sans forcément passer par les gros les grosses entreprises et tout ça. Et puis évidemment, faire tout de manière légale, tout juridiquement. Donc voilà, ça a pris du temps. C'était un premier album sans forcément quelqu'un au-dessus pour chapeauter. Donc voilà, ça explique les 4-5 ans. Parce que tu es, en fait, il faut rappeler que tu es indépendante en fait. Je suis indépendante à 100%, ouais. Voilà. Ben, on est tous maintenant, hein, aux Antilles surtout. Je pense qu'on est tous indépendants. Il n'y a pas de maison de disque forcément aux Antilles. Donc on est tous un petit peu obligés de faire comme ça. Bon, après, il y a des structures plus ou moins établies et tout ça. Moi, j'ai voulu vraiment faire le plus gros seul sans forcément aller frapper à toutes les portes parce que ça ne m'intéressait pas. C'était plus pour le challenge et dire, bon, bah, on peut y arriver tout seul. Oui, donc la démarche d'être indépendant, finalement, te sied en tout oui, cas. Oui, évidemment, ouais. Parce qu'il y a une liberté. Moi, j'ai eu personne derrière pour me dire, attention, là, il commence à faire, on est déjà en 2009. J'ai fait vraiment avec mes propres moyens et surtout avec mes capacités. Donc ça, c'est peut-être une faiblesse. Mais après, en termes de décision, c'est tellement mieux quoi, de pouvoir faire soi-même... Oui, pouvoir bâtir un album, finalement, un travail qui te représente vraiment. Le stress, c'était le mien. Ce n'était pas quelqu'un qui était derrière à me donner du stress. C'est plus important quand c'est le sien. Quoi. Ouais, ouais. D'accord. Et quand on observe en fait, le visuel de ton disque, mais aussi tes clips, hein, que je tiens à le rappeler, qui sont, certains de tes clips sont déjà en rotation sur Internet. Alors, j'en ai qu'un seul. J'en ai qu'un seul qui s'appelle, enfin c'est le clip du titre que j'ai mis en avant qui s'appelle L'Essentiel. D'accord. Ouais. Et voilà, donc, je disais que quand on observe le visuel de ton disque, donc je parle de la pochette en fait, hein, et voir les photos, le clip, en tout cas c'est un avis personnel, j'ai l'impression qu'on perçoit une esthétique épurée, simple, très naturelle. C'est quelque chose que tu recherches ? Oui. Très naturel et très simple, mais travailler quand même un minimum. Donc ça, là aussi, ça faisait partie, on va dire, du plan, entre guillemets. Quand j'ai créé l'album, j'ai pensé aussi, évidemment, à tout ce qui était visuel. C'est vrai qu'on est parti de rien. Donc ça s'est fait avec les rencontres. Donc j'ai rencontré très tôt mon ami Jackie Gautin, que j'ai connu sur Internet encore une fois, mais qui était déjà bien établi sur Paris déjà à l'époque. Et quand il est revenu, quand j'ai su qu'il revenait au pays, donc j'ai voulu absolument le rencontrer. Donc lui et moi, on est parti sur vraiment un visuel, on va dire un peu toujours dans l'inspiration New Soul, c'est-à-dire des choses très naturelles qui font un peu référence à l'afrocentrisme, sans pour autant aller forcément tout le temps dans cette direction. Le côté caribéen, donc c'est des couleurs, c'est des matières, voilà, c'est la nature derrière et tout ça, ou bien sinon des cases en bois. Donc on a beaucoup travaillé sur ce genre de décor, on va dire. Après, bon, le visuel, il s'est fait aussi par les vêtements, donc avec une amie, Anaïs Verspan, qui me suit donc du côté stylisme. Donc Jackie, Anaïs, on a tous les trois travaillé ensemble. Et puis après, pour le clip, on est encore resté dans cette même direction, mais en le travaillant toujours plus. Et là, j'ai rencontré Jean-Luc Stanislas. Donc, c'est vraiment une petite équipe qui est encore sur place. Donc, Jackie, Jean-Luc et Anaïs. Et on essaie de faire vraiment quelque chose de cohérent avec une réelle... avec une continuité, quoi. Donc, jusque-là, ça donne quelque chose de très coloré. C'est vrai que les photos, au départ, je ne suis pas quelqu'un qui aime me mettre en avant. Hein, j'aime pas non plus. Voilà. Mais c'était malheureusement quelque chose que j'ai jugé important dès le départ, de mettre d'abord, avant même de mettre une musique, mais de mettre une image. C'était pour pouvoir, on va dire, pour essayer de sortir du lot. C'était très important. Donc, on a beaucoup misé sur ça dès le début. Des photos ont été mises en ligne même 2 ans avant la sortie de l'album. Enfin, on a vraiment joué sur la carte esthétique aussi, quoi. Voilà. D'accord. C'est un petit peu le sujet de la prochaine question. J'avais envie de dire que... Je parle beaucoup, je suis désolée. Non, mais c'est très... tu es là pour te présenter et présenter ton travail, il n'y a aucun problème. Oui, ce que j'avais envie de dire, c'est que les Antilles, donc en particulier la Guadeloupe que tu représentes, regorgent de jeunes talents, donc s'exprimant dans divers domaines artistiques, hein, musical bien sûr, mais aussi pictural, photographie, slam. La peinture. Voilà, est-ce que tu peux nous en dire, alors tu as commencé déjà à nous en dire quelques mots, mais Qu'est-ce que tu peux en dire en plus, j'ai envie de dire, de plus par rapport à cette scène ? Parce que je sens un bouillonnement, j'ai envie de dire. Oui, mais beaucoup de gens de Paris nous contactent et nous disent « Oui, on a l'impression qu'aux Antilles, les choses changent. » Moi, je pense qu'aux Antilles, on a toujours eu des tonnes d'artistes un peu partout. Bon, après, c'est évidemment toujours politiquement que ça coince, c'est-à-dire que la culture n'est pas forcément mise... Enfin, elle est mise en avant peut-être, mais ils ne mettent pas forcément tous les moyens, alors qu'aux Antilles, enfin, à la Caraïbe, toutes les îles de la Caraïbe, on a toujours été connus comme étant des gens très prolifiques, que ce soit dans la littérature, dans l'art pictural, enfin la peinture et tout ça, c'est très connu ça depuis des années et ça n'a pas changé. Bon, après, nous, on fait partie, bon, nous qui avons entre 25, 35, 40 ans, voire plus, bon, on essaie vraiment de chacun de pouvoir mettre en avant son œuvre. Bon, moi, j'essaie, dans ma petite mesure, de pouvoir... Enfin, j'ai fait apparaître, par exemple, des peintures de ma styliste Anaïs sur le clip. Donc, c'est subtil, mais c'est là quand même. Je pense qu'après, il faut évidemment s'entraider les uns... faut s'entraider, quoi, chacun l'un pour l'autre, quoi. Et faut espérer justement que les autorités se penchent un peu plus un regard sur ça et disent bon, ben là, maintenant, il faut ouvrir de vraies structures pour il y a des aides, hein, évidemment, pour tous ces artistes-là, mais c'est pas encore suffisant. Faut pouvoir aussi mettre des événements. Tout au long de l'année, je dis pas que rien n'est fait, hein. C'est important de le dire, il y a des choses qui se font tout au long de l'année, c'est important, mais je pense que c'est pas encore ça. Et puis il faut aussi pouvoir aider les artistes à s'exporter, puisque le but du jeu, c'est aussi d'exporter la culture créole partout, pas forcément qu'à Paris. C'est vrai que c'est bien la foire de Paris, mais il n'y a pas que ça. Il faut pouvoir aider tous ces artistes-là à vendre leur travail partout, quoi. Oui, qu'ils puissent promouvoir leur musique. Exactement. Qu'ils puissent s'exprimer. Voilà, bon, c'est pas que la musique, bon, c'est le chant, c'est la musique, parce qu'on a aussi de très bons solistes, de très bons musiciens. Moi, je trouve que c'est un peu dommage de voir depuis, et encore plus depuis l'an dernier, de plus en plus d'artistes obligés de partir pour pouvoir vivre de leur art, quoi. Bon, c'est vrai que la Guadeloupe, c'est une île, c'est petit, bon, on peut pas en tourner en rond facilement, mais quand ces artistes-là partent de l'île, c'est pire. C'est-à-dire, quand ils partent, ils sont pas sûrs de revenir très facilement non plus. Donc, c'est un peu dommage. Il faut que ça s'exporte, évidemment, mais c'est dommage de devoir s'installer ailleurs pour pouvoir vivre de sa musique. Voilà. D'accord. Ce qui signifie que pour ce qui te concerne, toi, pour l'instant, je dirais l'aspect vivre de sa musique, vivre de son art. Est-ce que c'est d'actualité pour toi ou est-ce que déjà c'est quelque chose que tu souhaites ? Oui, bon, soyons réalistes. Quand on est artiste, on aurait aimé vivre de ce qu'on aime faire, quoi. Ça, c'est sûr et certain. Après, la réalité est que la crise, elle est pour tout le monde. Et même si moi, je veux faire de la musique, ça ne veut pas dire que tout le monde a forcément les moyens de venir l'écouter ou d'acheter ce que je fais. Donc ça, ça se comprend. Moi-même, là, j'ai fait le choix pendant quelques années de vivre de ça. Enfin, j'ai pris une année sabbatique, on va dire, pour m'en occuper. J'aurais aimé que ça dure le plus longtemps possible. Après, je suis obligée de travailler à côté, comme tout le monde, hein. Je ne veux pas non plus faire la malheureuse. C'est la réalité, tout le monde est comme ça. Donc, voilà. Ça aurait été bien d'en vivre. Ce n'est pas suffisant, malheureusement. Voilà. D'accord. Est-ce que tu peux nous citer quelques contacts, quelques, je sais pas, sites web, un email ou... Alors, où on pourrait te joindre, alors, déjà voir ton travail peut-être, oui, et puis éventuellement. Évidemment, déjà, on va parler du vidéoclip qui tourne depuis novembre dernier sur Internet. Donc, il suffit de taper sur YouTube, par exemple, ou sur Dailymotion, Mimi Nelzy, donc Mimi, M-E-E-M-E-E, Nelzy, Z-Y à la fin. Et le titre qui est en rotation, c'est L'Essentiel. Donc, on tombe sur un superbe clip de 5 minutes. Voilà. Et autrement, en tapant Mimi Nelzy sur MySpace, on trouve quelques titres extraits de l'album. Il est en écoute intégrale sur Deezer. Donc, Deezer, c'est un média qui est là. Il faut en profiter, puisque c'est gratuit, a priori. Donc, tant mieux. Tant mieux pour l'auditeur. Puis, évidemment, la meilleure façon d'être proche de moi, c'est d'acheter l'album. Bien sûr. Voilà. On peut citer peut-être Facebook aussi. Facebook. Alors, je suis sur Facebook, pareil, Mimi Nelzy. Donc, en général, j'accepte tout le monde. Vous pouvez me poser des questions. Voilà, et la page fan avec toutes les informations. Dès que je peux, je mets un petit, des petits scoops, voilà, droite à gauche. Voilà. Oui, donc en fait, on peut rentrer directement en contact avec toi. Oui, je suis pas Michael Jackson encore. Je réponds aux mails dans la mesure du possible et j'essaie d'être quand même proche de tout le monde. Donc n'hésitez pas si vous voulez me contacter. Voilà. D'accord. Je suis là. Ben Mimi, merci beaucoup merci. Pour ce moment passé en ta compagnie. Mm-hmm. J'ai envie de te dire bonne continuation et bon vent à Nouvelle. Merci beaucoup. Et puis oui, il faut s'envoler dans les airs. Voilà, à Nouvelle, c'est tout simplement un album frais et je veux juste apaiser un peu les esprits torturés, on va dire. Donc faites-vous plaisir, je pense que vous n'allez pas le regretter. Voilà. Merci beaucoup à tous, bon dimanche et à la semaine prochaine.